l'alternative urbaine. Quels sont mes rêves et mes passions? Je rêve de jouer du Shakespeare. Oh, d'être guide dans un musée. Moi, j'aimerais aider à sauver des vies. Voir le monde, le changer. Moi, c'est l'informatique, les chiffres, puis aussi la cuisine qui me passionne. Réalisez vos rêves. Vivez vos passions en donnant de votre temps à l'un des 700 organismes clients du Centre d'action bénévole de Montréal. Pour plus d'informations, visitez le cabm.net. Ah, bonsoir. En manchette ce soir, grosse semaine dans les transports en général. On va parler de transport. Je vais continuer à écrire ma chronique. J'ai pas eu le temps là, de faire ça. Fait que, parle à toune, là, puis 70%. Trop, y a trop de questions sur ma liste. De questions techniques et existentielles. Si Jésus était jeté à l'eau tête la première, flotterait-il quand même? Rebondirait-il ou se cognerait-il? Et que vaut cette théorie qui dit qu'à chaque fois qu'on écrase une mouche, l'une de ses pattes repousse parmi nos sourcils? La vie, ce n'est pas simple, mais heureusement on peut, paraît-il, expliquer le monde par une équation mathématique. 100 moins 30 donne 70, plus 100 donne 170, plus 70 donne 240, moins 30 donne 210, plus 70 donne 280, divisé par 4 donne 70. Et va donc répéter ça à ta sœur de ma part. Elle en sera folle d'amour, j'en suis sûr. I did not hit her. It's not true. It's bullshit. I did not hit her. I did not. Oh, hi, Mark. Oh, hey, Johnny, what's up? I have a problem with Lisa. She said that je pense qu'on a reconnu la voix charmante et l'accent unique de Tommy Wiseau. Oui. Qui est le réalisateur, producteur exécutif, scripteur, cadreur, monteur. Il a aussi sûrement couché avec la personne de la trame sonore. Là, du... La cantine aussi, je crois. Oui, c'est ça. Du film de ce soir. Les plus érudits de 70% reconnaîtront notre nouvelle, en fait, c'est comme un nouveau collaborateur, c'est la deuxième fois, c'est Julien Bernatché. Bonjour. Spécialiste en bande dessinée. Oui, je suis là pour vous décevoir ce soir. Et voilà, on lui avait demandé un dossier sur Ricochet, il a ramené des suçons cerises et bien sûr un dossier sur les quatre as. Oui, voilà, une autre de mes passions, les quatre as. Une autre de ses passions. Il y a DJ Georges. Oui. DJ Georges, est-ce qu'il y a un nom, une thématique? On retourne dans l'alphabet? On retourne dans l'alphabet, là, pour on essaie de finir ça. Là. Une toune par lettre, puis on clenche. Et voilà, les menottes sont lourdes à porter. Là. Ben là, vers la fin, tu sais, l'alphabet. Et puis toi, Israël, t'as une passe spéciale ces temps-ci? Là. Ouais, je trippe vraiment gros sur Linda Lemay. Je tiens à le dire, puis je l'aime pour de vrai, car elle chante l'amour au quotidien d'une belle manière. Bien sûr, on a mis comme une toi, cage Israël. Autour d'Israël pour le protéger des interventions physiques des autres animateurs. Et on avait tout de suite les responsables du comité musical de choc qu'on va probablement passer des tunes hors mandat aujourd'hui. Non, du tout, je parlais pas de ça. Okay, on c'est bon. Passe pas de Linda Lemay. Moi, je fais jamais jouer de Linda Lemay, je l'ai toujours dit. Ah, c'est ça, c'est comme doublement hors mandat. C'est ça, c'est le mot là. Ils sont un mandat, je l'ai pas senti ça. Ouais, on a juste à pas l'écrire sur la feuille de route. Non, même à ça. Moi, je suis pas capable. Dans sa pipe, la direction. Hein? En tout cas, écoutez l'émission jusqu'au bout pour être sûr. Fait que, on vous invite. Tu nous as amené les grandes chansons cochonnes, volume 2. Ouais, ben, je me réserve pour plus tard pour t'expliquer toute la péripétie qui va alentour de. J'insiste, il y a quelque chose ici, là. Il y a 4X. Ouais, c'est le 2, il y a 4X. Il y a la grenouille version dance mix de ce disque-là. Ah oui. Etienne va être content. Ouais, je pense que je l'ai déjà, celle-là. En tout cas, j'en ai une version. C'est pas le genre d'affaire que tu devrais comme oublier, mais ça. Mais c'est pas, je sais pas si c'est celle-là. Tu sais, des dance mix, souvent, il y en a plein. Oui. Des fois, il y en a. Parce que c'est difficile à faire un dance mix. Oui, c'est pas, pas à la portée de tout le monde d'être Daniel Desnoyers. toi, Evelyne, pas de vin? Ben, moi, Étienne, samedi, il m'a dit qu'il s'ennuyait, fait que j'ai décidé de faire un tour. Puis j'ai acheté à l'encan du party samedi. Le livre de l'Anse et Comte, j'ai quand même payé 7 piastres. Puis est-ce que c'est un P-Mate qui te sert de signer? Est-ce que je vois bien? Eh oui, exactement. T'es déjà rendu j'ai là? J'ai aussi... Ah, ben non, ben non. OK. J'ai, oui, j'ai aussi réussi à récupérer le P-Mate pour la modique somme de 6 $. Ça m'a coûté 13 piastres, le maudit encan là. Ouais, tu vois, mais regarde, c'était des belles choses, là. Mais oui, j'ai pour faire pipi debout. Moi, j'ai acheté de gros papillons en tapis, j'ai payé 15. Moi, c'était trop chaud pour dépenser. Toi, tu décores tes murs avec nos encans. Avec du tapis, ouais. C'est on est bien à côté de l'Indien. Les as-tu mis un à côté de l'autre, sur ton mur? Non, mais je suis pas encore passé chez nous depuis l'encan. Ah, OK. Voilà. Il vit dans la rue avec son papier. D'où l'odeur. Ah, ça explique tout. Hey, commencez ça, là, avant de saucer bien comme il faut dans le 70% comme il faut. Là, c'est le révérend Orton Heat. C'est Bells of Cocaine. Puis sinon, en background, là, c'est la trame sonore de Super Castlevania 4. Je sais pas pourquoi ils l'ont appelé Castlevania 4 et Super Castlevania. Il aurait pu enlever le 4 ou le Super. Ouais, ça aurait été mieux qu'il garde juste le 4 tant qu'à moi, mais ça, c'est un débat à poursuivre plus tard. Et voilà, sinon ça reste un bon excellent jeu vidéo. Puis là, on va écouter le révérend Orton Heat qui est assez unique. Puis là, on va revenir à 70%. Puis vous savez comment ça se passe. Ah oui. C'est ça. Le feu. Voter le feu pour un réel changement. Well, I was working on my farm about 1982, pulling up some corn and a little carrot too. Do low-flying aeroplanes about 100 feet high, dropped a bunch of bales of something and some hit me in the eye. So I cut a bale open and man was I surprised, a bunch of large-sized baggies and big white rocks inside. So I took a little sample of my crazy brother Joe, he sniffed it up and kicked his heels, said, Horton, that's some blow. Bales of cocaine falling from the flying plane. I don't know who done dropped them, but I think I'm just the same. Bales of cocaine falling like a pouring rain. My life changed completely by the no flying plane. So I loaded up them bales in my pick-em-up truck, headed west for Dallas, where I would try my luck. I didn't have a notion if I could sell them there. 30 minutes later, I was a millionaire. From the flying plane, I don't know who done dropped them, but I think I'm just the same. Bales of cocaine falling like pouring rain. My life changed completely by the low flying planes. Oh, let's fly, Jimbo. And now I am a rich man, but I'm still a farmer too. But I sold my farm in Texas, bought a farm down in Peru. And when I get so homesick, I think I'm going insane. I travel back to Texas in a low-flying plane. Bales of cocaine falling from the flying plane. I don't know who done dropped them, but I think I'm just the same. Bales of cocaine falling like the pouring rain. My life changed completely by the Ben, je voulais juste dire que 70% c'est poche. Moi, je suis Classic J du band N.E.W. Puis, on est un mélange de hip-hop français, hip-hop anglais, rock, folk-rock, rapcore. On fait une saveur qui mélange tout ensemble, puis ça donne N.E.W. On se fout de 70%. Ici, on est 70%, puis on aime ça. Salut, c'est Sarah. Je pense pas à grand-chose, mais à chaque fois que je pense, c'est à 70%. Est-ce que ça me prend un thème? C'est vrai, ça. C'est là que vous me pointez, juste. Voici maintenant les manchettes internationales avec Bruno Corbin. Il y a vraiment de la vitre qui explose à la fin. Ah ouais, c'est ça, c'est ça le bruit. C'est Bridge qui a fait exploser une vitre pour mettre dans le thème. Alors voilà, on y va tout de suite avec une nouvelle. Okay. Lorsque Google Maps lui a offert de tourner à gauche sur une autoroute alors qu'elle était à pied, Lauren Rosenberg s'est exécutée. Elle s'est ensuite faite rentrer dedans par une voiture. Elle blâme bien sûr le conducteur, mais aussi Google Maps pour lui avoir fait prendre un chemin inapproprié. Mais selon la plainte, Google Maps aurait dû indiquer que la route sur laquelle elle se dirigeait était une autoroute rurale sans trottoir et sur laquelle les voitures se déplaçaient à grande vitesse. Google se défend en disant que leur site prévient ses utilisateurs d'être prudents. Ouais. C'est aussi c'est écrit que c'est et expérimental. Et que certaines routes ne sont pas munies de trottoirs et que c'est expérimental, etc. Ou de chemin pour piétons. Ces informations n'apparaissent pas, par contre, sur les BlackBerry car leur écran est trop petit. Ouais. D'où... C'est ça l'affaire. Voilà, le fait que c'est légitime. Ouais. Ouais. Ouais. Mmh. C'est clair, c'est tout à fait légitime. Moi, mon GPS, il me dit de pas l'écouter si je trouve que ça n'a pas d'allure. Quand je l'allume, il t'avertit, il y a un petit warning en l'allumant. C'est-tu Snoop Dogg qui parle? Non, parce que c'est écrit, c'est juste écrit. Okay. Fait que si je sais pas lire, ben là, je peux faire ce que je veux. Mais pour vrai, ton GPS, il te dit, des fois, faut pas que tu m'écoutes. Ben, c'est écrit quand tu l'allumes, il y a un petit warning, t'es obligé de le voir là, pendant 3-4 secondes, puis là après ça, il y a un piton OK qui apparaît, tu peux cliquer pour l'enlever, mais t'es obligé au moins de le regarder 3-4 secondes, puis c'est marqué « ne faites rien d'illégal ou de risqué, même si, mettons, on vous dit, là, si vous voyez que ça n'a pas d'allure, genre, faites-le si on pas. Vous dit de tourner à droite, puis que c'est un sens il y a des constrictions, faites-le pas. Faites-le là, pas. C'est comme, mettons, de dire que le jeu vidéo du GPS là, a des répercussions sur la réalité. Ben, c'est ça. Ça se peut que des fois, on soit pas à date, en fond, c'est un peu ça qu'il essaie de nous dire. Puis des fois, quand, mettons, tu passes tout droit devant l'affaire qui, mettons, il te demande de tourner, tu passes tout droit, ils vont dire... dès que possible, faites demi-tour sans infraction. Ça fait rire à chaque fois. OK, voilà. Ben, vas-y, mon gars, je vous dis un autre, c'est propice à discussion. D'accord. Alors, Ginger Maguire poursuit United Airlines pour ne pas l'avoir réveillé et l'avoir oublié après que son avion ait atterri à Philadelphie cette semaine. Maguire affirme s'être endormi pendant le vol pour se réveiller à 4 heures du matin dans un avion désert. On ne lui a pas permis de sortir de l'avion tout de suite. La police a été appelée et l'a questionnée sur les raisons de sa présence dans l'avion. Elle poursuit United pour séquestration, détresse émotionnelle et négligence. C'est donc bien, ça m'est déjà arrivé, c'est dans un train de banlieue. Ah ouais? T'as-tu gagné ta poursuite? Non, je ne les ai pas poursuivis. J'étais juste beurré plein d'huile quand j'ai réussi à sortir du train. Parce que j'ai pesé sur tous les pitons d'urgence et ça ne marchait pas. Puis là, finalement, je me suis rendue dans le wagon interdit à la fin. Ah ouais, c'était hot. Puis là, il y avait une grille qui donnait entre les deux wagons. Fait que je suis sortie dehors entre les deux wagons, mais tu sais, il y avait plein de filages puis de cossins. Ouais. Hein. T'aurais pu mourir. Ben, j'aurais pu... T'aurais pu piler sur un fil électrique. Voilà, ouais, j'aurais pu fouler la cheville en tombant. C'était quand même 5 pieds de haut. Puis tu sais... Benoît Poirier, on sait qu'est-ce qui arrive quand il saute de 5 pieds de haut. Il se casse un tibia. Mmh. Voilà. Mais il fait après ça une première médiatique en faisant un show couché. Mais ça a été le aussi monde dans le feu, dans le plancher. Le premier drummer à arriver à son show en béquille. Ouais. Effectivement. C'était assez touchant, ça. Il y avait comme une musique de Kenny là, qui était triste pis tout. Et voilà, je réenchéris parce que moi aussi, je vais vous parler de transport. Moi, j'ai été voir de la famille mourante cette semaine, puis on a écouté Chanson Cochonne volume 2, moi puis Evelyne! elle m'a donné une ride jusqu'à Rouen. Puis dans Chanson Cochonne volume 2, que je m'étais jamais rendu à la fin, il y a une chanson de joke. Ça, c'est comme une chanson où il y a des jokes dedans. Là. OK. Ça, c'est pas pire, puis elle s'appelle Madame X, puis on va l'écouter au complet, c'est ça ma chronique. Okay. Puis on laisse les micros ouverts, bien sûr, mon cher Tommy, mais on peut pas parler pendant les jokes, je vous avertis tout de suite, faut vraiment très bien les écouter. OK, puis est-ce que tu vas aussi raconter... Je vais en parler après. OK. Donc on subit, puis après on décortique. Ouais, j'ai de quoi vous jaser deux après. Ça s'appelle quoi? C'est Madame X qui chante Madame ça? X, c'est Wanitou qui chante Madame X, en fait. Ah, sacré Wanitou. Moi, je vous conseille de vous tenir par la main l'autre bord de la table. Mais c'est parce que c'est pas là. La preuve vivante que le cancer, c'est pas assez sélectif. Donc, on va entendre des choses comme Golden Street et pas Dupuis. Fait que non, c'est ça. On peut jaser pendant que ça a de la musique, mais pendant les jokes, non, s'il vous plaît. C'est priceless. OK. À 70%, c'est le grand Wanitou et Madame X. C'est 10 minutes. 10 minutes. 10 minutes. 10 minutes. 14. On est parti pour un bout, là. Et voilà, feu. C'est la cinquième fois qu'on écoute. Madame X, éclaire-moi. Père Go, dirigez-moi. J'ai hâte que t'as mis toute sa coche, moi. Et Paul Dupuis. Il faut le rappeler, là. Okay. Dirige vos brebis. Deux femmes lesbiennes, laquelle des deux qui fait l'homme? C'est la plus intelligente, voyons donc. Let's discuss. Mais moi, j'aimerais ça mentionner qu'on l'a écouté trois fois dans la même journée. Trois fois dans la même journée, donc. Tu connais déjà les punchs, là. Ah, ça va être là. Un petit gars qui a vu sa main flambant nue. Il dit, maman, qu'est-ce que celui-là? Il a dit, c'était un coup d'âge. Il dit, drette sa plotte. Madame X. Bravo. Ah, moi, je l'aime bien, celle-là. Ouais, t'as raconté avant. Ouais, j'ai raconté avant. Là, écoutez bien, là, là. C'est quoi ça? God and Smith et Paul Dupuis. Il y a un gars qui a mis sa blonde par en arrière. Elle a dit, excuse-moi, bébé. Elle a dit, je suis venu avant toi. Elle a fait caca sa caquette. On va réécouter le bout que moi qui est venu. On n'a pas réussi à comprendre. C'est quelqu'un qu'on comprend. Jamais réussi à comprendre. Il faudrait googler leur nom, je dirais. Ils avant de faire l'amour, j'ai le sang qui bout. Ils disent après que j'ai fait l'amour, j'ai le bout qui sent. Madame X, éclairez-moi. C'est tellement vrai. Dirigez-moi. Vraiment insupportable le refrain. Ouais, puis ça revient en chaque chanson. Il dure 17 secondes. Ça revient comme 40 fois. Un peu moins. Il y a un gars qui s'en va en bicycle à pédale. Il y a une fille flambant nue qui fait du pouce. Le gars embarque la fille, fait que la fille a dit au gars, hey, elle dit, t'as pas vu ça, elle dit, j'étais tout nu. Puis il dit, oui, si t'as pas vu, c'est un imbécile de fille. Madame X, ouais, non, ils sont pas tous à comprendre. Il y a trop d'informations dans celle-là. Il l'a trouvé pas drôle. Attends de voir celle-là, c'est quoi la différence entre. Hey boy. Oh boy. La différence entre une capote et un cercueil, il y en a pas. Tu viens dans un, tu t'en vas dans l'autre. Madame X, il y en a pas, voici deux phrases différentes. Il y a aucune différence. Tu viens dans un, tu t'en vas dans l'autre. Il y en a pas. Tu viens dans un, tu t'en vas dans l'autre. Tu peux venir d'un cercueil. Il y en a pas. Aucune différence. La différence entre une pomme et un horloge, il y en a pas. Il y a un giroir qui voulait des douleurs de femme enceinte. Ils ont cousu de trop de cul et ils ont donné du chocolat avec Slax. Madame OK, comme tu disais. Pas faire ça, là. C'est aïe, aïe. On est rendu à combien? Pourquoi même pas à moitié! Pourquoi on entend plus rien? OK, let's go! Il y a un gars qui passe sale doigt à sa blonde. Elle dit, chérie, tu me fais mal avec ta baille. Il dit, femme ta gueule, c'est ma montre. Madame X! C'est là que je l'ai appris, la chose qu'on t'en fait sa gueule. De fermer sa gueule, au moins. Ouais. C'est parce que ça aurait été trop respectueux. Attends, donc, ben, conne, ta gueule! Ouais, c'est ça! Un autre gars qui faisait des sucettes dans le cou à sa blonde, on a dit chérie, t'aimes-tu ça? Ah, elle dit j'aime ça. Mais elle dit descend un peu plus bas, le gars, il dit pourquoi? Elle dit j'ai un clou. Madame X! Celle-là, je l'ai. Un clou? C'est un gros bouton, ça. Ouais. Hein? Fait que là, il va aller aspirer le gros bouton. Ouais, c'est ouais. Ça. Ha! Buvant des pus. Ha! Ha! Ha! Dirige-moi. Quelle ségrétion il va associer à quelle partie du corps? Il y a deux chiens qui se rencontrent au Japon, une à l'autre, ils disent c'est plate, ils disent qu'est-ce qu'on fait? Ben, ils disent Japon. Ça, vous voyez vraiment pas bien. Ben, c'est une blague cochonne. Ouais, c'est pas quand même ça. Ben non, mais à un moment donné, c'est blague adulte, en tout cas. Il y en a juste une certaine quantité de blagues cochonnes. On a depuis le choix, là, pour que tu ben, sortes des kilos. À chaque blague cochonne, sa sécrétion. Et voilà! Un chien saucisse qui s'en va à sa rue rencontre un chien bulldog. Le chien bulldog dit au chien saucisse, il dit, tu dois avoir marché dans la vie, toi, pour avoir les pattes usées comme ça. Le chien saucisse dit au chien bulldog, il dit, toi, il dit, tu dois en avoir senti des culs pour avoir le nez écrasé de même. Madame X! Ah! Ah! Des jokes de chiens, c'est le fun! Ouais! Deux jokes de chiens d'affilée. Les chiens qui se parlent. Got it, Smith! Got it, Smith! Moi, j'ai mis l'explication de ça, je vais vous le dire après. Ah, cool! Excellent! Savez-vous pourquoi il n'y a pas de noir architecte? Non. Achèterais-tu un plan de nègre, toi? Ah! Oh! Très fort! Minorité c'est drôle visible. Parce que c'est vrai qu'il n'y en a pas de noir architecte. C'est ça qui est drôle. Aucun. Jamais. Moi, j'en ai jamais rencontré. Moi non plus. La prière d'un drogué. Seigneur, faites que je marijuana, que je fasse une morphine. Madame X. C'est la prière d'un drogué. J'aime ça, ça va. Ouais. Ouais. Ouais, non. On s'est rendu à 5 minutes, là, au moins. C'est toi qui assume, mon gars. Ah, moi, j'ai encore bien du plaisir. Ben oui, on en a tous. On écoute des jokes. Julien, il essaie de sortir. Il y a deux filles qui jasaient à sa rue. Elle a dit, j'ai vu ma mère flambant nue hier. Elle dit, hé, blonde. La petite fille à côté a dit, moi, faites-en pas. J'ai vu mon père, il y a une queue de cheval. Madame X. Ah, non, non, Bruno. Non, Bruno. Bruno. Bruno, tu remets les écouteurs. Les écouteurs. On remet, oui. Baisse ton son subtilement. Ah, monte le son. La plus grosse sandwich au monde, c'est une négresse entre deux matelas. La plus petite sandwich, c'est une feuille de thé entre deux crottes de nez. C'est ma préférée. Ça n'a pas de sens, ça. C'est aucun rapport. C'est bonne, hein? Préférée. Ça, c'est une bonne joke, ça. Ah, oui, c'est une maudite bonne joke. Tu sais, une négresse entre deux matelas. Ça, c'est une sandwich. Toi, t'as une sandwich. Tu peux pas manger d'une shot. Ah, c'est clair. T'as des restants. Si gars, c'est avant qu'on fasse, mon père, je m'accuse de m'avoir crossé, curie, t'as dur d'oreille. Il dit quoi? Il dit, mon père, il dit, je m'accuse de m'avoir crossé, curie. Il dit quoi? Il dit, mon père, il dit, je m'accuse de m'avoir avancé et reculé la peau du cul jusqu'à temps qu'il sorte du jus. As-tu compris, tabarnak? Madame X! Là, vous allez voir comment vous vous crossez. Oui, c'est ça. Exactement de même. Avancer et reculer la peau du cul. Ah ouais. C'est comme ça, ça marche. Moi, je. Ça veut dire que je suis dans le champ depuis le début. C'est ça. Moi aussi. Les Japonais et un Chinois qui sont morts noyés toutes les deux quand ils sont arrivés au ciel, Saint-Pierre lui a demandé qu'est-ce qu'il faisait là. Le Chinois dit, je me suis noyé. Le Japonais dit, moi, j'apprenais à nager. Il y a un Pakistanais qui arrive pas derrière. Il dit, pourquoi t'es mort, toi? Puis, parce qu'il se tenait après moi. Madame X! Il l'a même pas dit comme faux. Non, il a dit, je me suis noyé. Ouais, puis c'était vraiment third grade warty, ça, tu sais. Ouais, c'est ça. Moi, je lui pardonne parce qu'il l'a pas facile. Non, c'est ça. C'est lui, à toutes les fois qu'il a fait, faut qu'il l'entende. Il fait-tu la joke de la grosse madame aussi? Oui, attends. Il y a un gars qui rentre aux toilettes, il dit à son chum, il dit, hey, as-tu vu mon tuyau de poêle? Il dit, pas grosse, mais noire en colique. Madame X, éclairez-moi. Okay. Ouais, je l'ai jamais catché encore celle-là. Dirigez-moi. Non, je pense que c'était pas une blague, je pense que c'est juste des anecdotes. C'est des faits vécus. Louis. Quand vous faites votre pipi dans l'urinoir, jetez pas vos bouts de cigarettes parce que le gars qui fait le ménage, quand il ramasse, là, ils sont tous mouillés, il peut pas y fumer. Madame X! Ça, c'est un conseil, tu sais, ouais, c'est pas une blague. Ça. Il a repris ton speech de samedi passé un petit peu. C'est ça. S'il vous plaît, on vous demande tous de. Voilà, va être bonne. C'est Gérard Vermette qui s'est fait circoncire, il a maigri 14 livres. Madame X! Elle est pas finie, elle a un follow-up! Joke en deux parties. C'est quoi le nom de l'album encore, ça? Des grandes chansons cochonnes. Chansons cochonnes, volume 2. C'est qui, Georges Vermette? Les grandes. Gérard, là. Les grandes chansons cochonnes? Les longues. Les longues, ouais. Il y en a perdu encore bien plus que ça, il s'est fait passer deux oreilles. Madame X! Oh, on peut continuer vraiment longtemps. Il y a plein d'ablations possibles encore. Mais quand tu fais un trou dans les oreilles, tu perds pas rien. Bon, on entend la joke des crayons. Ah, c'est la dernière, la joke des crayons. Ah, pour vrai? Ça. Meilleur pour la fin. Il y a un petit nain qui était dans les camps de nudistes, il l'a encore lissé dehors. Il avait le nez dans les affaires à tout le monde. Madame X! Tu connaissais ça, là aussi. Hein? Un nain dans un camp de nudistes. Ah, OK. T'avais compris un nègre, hein? Ben oui, j'avais compris un petit nain. Ben, parce que je trouve ça un pléonasme, un peu, dire un petit nain. Fait que ça. Un peu. C'était un peu un pléonasme. Ouais. Il y a un petit gars qui s'en va se faire avec son père. De l'autre côté de la rue, il y avait deux frères. Fait que le bonhomme, il dit à son petit gars, tu vois, il est devant la rue, là, les deux frères, que là, ils ont, ils appellent les frères Maris. Il dit, comment? Il dit, ils se marient, sa sœur, il dit, ils se crossent plus. Il faut plus des enfants. J'ai une crampe. Mais avant, ils les appelaient-tu les frères crossus? Ah, il nous reste une minute, on lâche pas. Ah ouais, ça passe vite, on pourrait la remettre après. Ce qu'on a fait, on va te mettre dans la cage avec Israël. Il y a deux crayons qui se rencontrent, ça rue l'un à l'autre, dit tabac à main basse. Ça, là, c'est tout un pote de fin. Attends, c'est pas fini, on va écouter le refrain deux fois. Dirigez-moi. Dirigez vos brebis. Madame X. Éclaire-moi, Père Legault, dirige-moi, Gladys-Lithme, quand tu puis, dirige vos brebis, Madame Éclaire-moi. On est en feu. Dirige-moi, Gladys-Lithme, et pas du puits, dirigez vos brebis. Oh, oh, it's funky. Yeah, break it down. Aye, aye. Fait que, juste pas finir. Vu l'aberration qu'on a eue en l'entendant la première fois, on l'aurait écouté, mais on s'est dit, on va compter combien de pourcentage de la toune est composé du refrain plat. Ouais, qui se répète tout le temps. Fait qu'avec un calcul très précis de David Valilier, on a compté que 17 secondes fois machin. En tout cas, en fin de compte, il y a 70% de la chanson qui est composée du refrain plat. Excellent. En notre honneur, aujourd'hui. C'était ça, c'était pour nous rendre hommage. C'était pour nous. Voilà. Wow. Merci beaucoup, Wanito. Il dit 27 fois le refrain. Il dit 27 cadeau. Fois le refrain. C'est notre cadeau des 27 deux fois ans. 27 fois son nom premier, en plus. 17 aussi. Et voilà, puis j'ai cru entendre Étienne Forêt nous dire qu'il sait c'est quoi, Gordon Smith. Oui, oui, je sais quoi, parce que moi, c'est ça ma job dans la vie, écouter du monde parler puis comprendre ce qu'ils disent. Et puis, Godette Smith, en fait, tu vas être content, Tommy, parce que la première partie, c'est vraiment Godette, c'est comme vraiment ton nom ça, de famille. Comme... C'est en référence à Françoise Godette, trait d'union Smith, S-M-E-T, qui est née le 26 octobre 1902, là, je lis ça de Wikipédia. C'est une journaliste, animatrice et auteure canadienne, ayant surtout œuvré au Québec. Elle a fondé la revue Paysanna. En 1938, destinée aux femmes des régions rurales. Tout en glorifiant les activités traditionnellement féminines, elle réclame pour les femmes une reconnaissance de leur contribution professionnelle, de même que les conditions de travail qui vont avec cette reconnaissance. Donc, c'est un peu une espèce de féministe qui avait un peu avant son temps. Godette Smith. Féministe amateur de chansons cochonnes. Est-ce cochonne? Non, je pense pas. Je pense que c'est juste que c'est quelqu'un qu'on voudrait voir aller diriger. La noyer dans le pied, dans le puits? Ou? Non, mais elle disait diriger vos brebis. Tu sais, fait que c'est Godette ça, Smith et Paul Dupuis. Et Paul Dupuis. Paul Dupuis, ça peut être n'importe qui. Non, non, mais ben, il prononce pas le L, en tout cas, on est certain. Là. On l'a écouté 100 fois, puis c'est et pas Dupuis. Genre. C'est comme bizarre. Mais moi, je pense qu'il fait rien que pas le prononcer, puis qu'il est là pareil. Okay. Ça arrive souvent, ça aussi. Ouais. Ah, c'est toi, tu vois, tu viens de le prononcer, puis tu parlais pas de Paul, t'as dit Paul prononcé. C'est ça, puis tu vois. Mm. Fait on peut tout le temps se mêler dans c'est ces ça, affaires. Exactement. En tout cas, Wanito, si tu nous entends, s'il te plaît, appelle-nous au 987-3000, poste 1610. On a des bouquets de Nissan Sentra. C'est pas mal de questions. C'est sûr qu'elle va avoir vu la transcription. Ça se peut que t'aies besoin de Nissan Sentra. En tout cas, on aimerait ça que... Je sais pas où est-ce que tu travailles. Il pourrait nous expliquer les quatre jokes qu'on n'a pas catchés. Ouais aussi. Si celle de la grosse sandwich. Ouais, celle-là est bizarre. Juste confirmer que c'est des anecdotes. As-tu déjà vu une sandwich comme ça? Ouais. Hein, une sandwich qui, avec qui a fait c'est quoi le sandwich c'est une avec les deux matelas? Deux matelas? Une grosse négresse. Une grosse négresse. Ça, quand tu manges plus grosse ça, là, tu laisses des restants. Ouais. Ben, grosse. Puis Gérard Vermette, là, pour ceux qui se demandent, là, ben, c'est parce qu'il était gros. C'était un gros fantaisiste à peu près des années 60-70 qui a fait des chansons comme celle-ci. Gros jambon. Non. C'est lui, ça, Gérard Vermette. Ah, c'est lui que si... si on le circoncis par 14 livres, là. Ça, c'est Gérard Vermette. Mais il est connu pour avoir fait l'annonce des habits Saint-Eustache à deux pas de l'église. Il a fait ça jusqu'à quand même tard, fait que ça se peut que vous l'ayez déjà vu. Ah... C'est-tu vraiment à deux pas de l'église? Ben oui, c'était... C'était pas 670, deux pas. C'était pas à deux pas, là. Tu sais, c'était tout près. Ouais. Je suis déjà passé devant, pour de vrai, puis c'est vraiment c'est à côté. Vraiment proche de l'église. Ouais, ouais, c'est vraiment pas long. Fait qu'il nous a pas menti toutes ces années. Là. Non, non. Ben, tu sais, deux pas, c'est une métaphore, là. Ben, qu'est-ce qu'il y en ait pas, d'abord? Je sais pas s'il avait dit 28 pas. Bon. C'est moins marketing, un peu. Ça a l'air plus loin, hein? À plus ou moins 28 pas de l'église. C'est ça. Dépendant. Fait que ça a-tu rapport avec ton spécial de lettres? On est-tu en train de bouquer le V? Là? Ah non, non, c'est okay. Juste parce que c'est pour votre culture. Là, parce que les gens se demandaient c'était qui. Mais d'ailleurs, est-ce qu'on switch à ta chronique, mon étire? On peut bien, tant qu'est-ce que je suis en train d'en jouer, là, pourquoi pas? D'ailleurs, celle-là, j'ai déjà fait jouer ici. Là. Puis est-ce qu'il était reconnu pour avoir un gros pénis, c'est tout ça, la non, fois? Il était reconnu juste pour être obèse, tout simplement. Fait que, ils ont juste pris un gros, puis on dit si on y enlève. Un gros, c'est gros de partout, tu sais. Ah, t'es obèse, t'as un prépuce de 14 livres, c'est de même, ça marche. Tout simplement. Puis t'as des oreilles, tu sais. Diante. Ouais. Fait que voilà, c'est ça. Sinon, bon, ok, je switch à ma chronique. Vous allez voir, ça commence fort aujourd'hui. Je suis rendu à L, parce que la semaine passée, j'avais fini avec les K. Comme Linda Lemay. Non. Ouais, c'est pas pire, Linda Lemay. Moi, j'aime bien ça. Elle chante l'amour au quotidien. Ouais, ça aurait été deux L, c'est vrai, hein, mais non. Deux points. Comme Lex Luthor. Tout s'explique. T'es as-tu déjà vu dans la même pièce? Non. Peut-être que Linda Lemay, c'est Lex Luthor avec une perruque, tout simplement. Donc, aujourd'hui, la tune en L, c'est Love Me Tender de Elvis Presley, mais c'est quelqu'un d'autre qui l'interprète pour vous aujourd'hui. Ah ouais, je suis surpris. Papa Wing? C'est quoi de l'album Wing Sings Elvis? As God intended. Et voilà, As They Should Have Been Sung. D'ailleurs, Wing vient de sortir un nouveau single. Je vous arrive avec ça dès que j'ai fini mon alphabet. Dans les W? Non, ben là, je sais. Une fois, c'est assez. Check l'ordre d'église en reste, c'est bon. C'est comme de l'église, fuck it. C'est bien, hein? Oui. On passe au M. M, ici, j'ai Madeleine Chartrand qui a sorti ce grand classique. Oh, yeah! Ça, c'est un hit, on connaît ça. Ouais. Hein? Ben oui. Je pensais que c'était ma grand-mère qui l'avait écrit, ce genre. C'est ça, tout le monde pense que c'est son prof de maternelle, mais non. Ça existait pour de vrai. Madeleine Chartrand, t'as dit? Oui, Madeleine Chartrand a disqué ça de façon sérieuse. Là. C'était pas un disque pour enfants, rien. Là. C'était, ça, c'était sur mon Kitten Acid 1, ça. Ah, ouais, j'aime bien ça. Ouais, c'est sympathique quand même. La stuff, là. C'est quand même dans les tunes le fun de ce genre. Puis en fait, ce qui est le fun, c'est que c'est présenté sur l'album La Nouvelle Danse Annie Cooney, version originale. Je sais pas c'était quoi la danse qu'elle a avec ça. Est-ce qu'on sait c'est quoi qu'ils veulent dire, les paroles? Non, je sais pas. Je sais même pas si c'est vrai. S'ils veulent dire quelque chose pour vrai. Ça veut dire va te laver, tu pues. C'est pas une chose du genre. Va chercher ton chèque de BS. C'est un Indien là, qui nous écoute. Veux-tu des cigarettes que j'ai faites moi-même? C'est l'artisanat! Stéréotype libre. Donne-moi une cigarette pour un chewing gum, my touch. C'est fou ça. Là, il va avoir le bridge. Tout à coup, ça devient un peu, hein, Kama Sutra mélangé avec. De l'hindou et de l'indien. C'est de l'indien et de l'amérindien mélangé ensemble. Il y a quelqu'un qui s'est trompé, là. Là, ils ont dévoilé un troisième corps de choriste, là. Hey, next. Oh, c'est assez long, les couteaux complets. Quasiment, hein, on est quasiment rendu à la fin. Ok, les N, je fais une parenthèse avant le N pour vous faire entendre une toune de Claude Blanchard. Vous voyez l'original. Il est mort. Il est mort, oui. Il y a déjà quelques années. Ici, on l'entend avec les Crooners. C'est eux qui font la musique. Que reste-t-il de nos amours? Donc ça, c'est le grand hit de Claude Blanchard. De que vous avez peut-être déjà entendu. Très suave. Ouais. Ça me surprend que ça n'a pas encore été pris par Frédéric de Grandpré. Sûrement sur son prochain album. Puis là, ben... Ah, c'est Frédéric de Grand Prix. Non. Déjà? Et voilà. Chris Justin. Non, en fait, c'est Nicole Martin. Que je suis dans les N. C'est son album Cocktail de douceur. Puis là, elle a tout rajouté un préambule comme ça qui sort de nulle part. Le vent qui frappe à ma porte. Fait que tu sais, sur le coup, j'avais vu le titre. J'avais dit, une reprise, je fais jouer. Puis ben non, c'est d'autres choses. T'sais. Finalement, j'avais arrêté de l'écouter, mais non, c'est un piège. Si t'écoutes plus loin, ça devient la reprise de la toune de Claude Blanchard. Enfin, je vais l'avancer. C'était un piège? Ouais. Tu penses que c'est pas une reprise, puis que tu l'écoutes plus? Bang! Ah, lassif comme on aime, hein? Ouais. L'album Cocktail de douceur qui est entièrement chanté en baillant. Elle regardait des photos d'enfants morts pour s'inspirer. De nos amours. C'est quoi ça? Linda Lemay. Hey, Evelyne vient de trouver un signet dans le livre de l'an 50 qui est un papier avec un numéro de téléphone puis un nom. C'est le numéro de Lauren Guillaume. C'est peut-être l'ancienne propriétaire. On va l'appeler live. Ah, la dernière fois qu'on a fait ça, ça avait flop. Ah, c'est vrai, ça marche pas à appeler nous autres. Hein. Ouais, on l'a pas fait. Qu'elle nous appelle. Il faudrait se renseigner, il y a sûrement moyen de faire ça. Ah, ouais. À l'agenda, c'était inscrit. Est-ce que... Ah, wesh. Ah. Cocktail de douceur. C'est vraiment ça. C'est toujours beau. Et ça, c'est tout l'album est comme ça. C'est comme cœur de pirate qui est sur le bord de venir à chaque parole. Oui, c'est ça. Chacun son style. Est-ce que... Next. Okay. Next. On va se remonter le moral avec un peu de Joël Denis. Là. Ça, ça fait du bien. On écoute « On a des hauts, on a des bas ». Bébé. Puis qui est inspiré d'un autre succès connu. Ouais, mais c'est quelle lettre ça, Joël Denis? Ben, c'est « O » pour « On a des hauts, on a des bas ». Très rigoureux, l'alphabet. Là. Ah non, des fois, c'est le titre de la toune. Mais qu'est-ce qui arrange? C'est ça. Ça, c'est qui, ça? Ça, c'est Joël Denis. D'accord. Sur son album, le Yaya Party, en 1991. D'accord. Le seul qui était de trop. Oui, vraiment le seul. C'est le refrain qui est beau. C'est un peu comme les Gypsy Kings meet... Ben, en fait, c'est une toune des Gypsy Kings, ah, voilà. Traduite par Joël. J'aurais dit meet Claude François. C'est bien ça. Ah, c'est bon, ça. On a beau dire, on a beau faire, c'est ça la vie. Ah, ben, ça, il y avait vraiment quelque chose à dire. Lui, il sait parce qu'il y a eu un haut. Mais la plupart du temps, je vis ma vinaigrette. Faut pas dramatiser. Ah non, non, pas. Non, j'ai. Un refrain, c'est assez. Pas le build-up, le deuxième refrain. Voilà, c'est pas juste Israël, il a eu droit à 27 refrains, puis moi après un. Là. Oh, ouais, c'est ça. Toi, t'as plusieurs fois, plusieurs cœurs. En tout cas, vas-y. OK, mais on y va avec d'abord dans les P, Père Tremblay et les nouveaux Alléluia. Hey, Fio, oh, il était pour repartir. Qui nous chante Jésus. Hey, ça, c'est nouveau, là. C'est Israël qui t'avait amené le disque. Oui, ben il m'avait parlé de ça. De ça. Un band de rock de prêtre. Il faut écouter un peu les paroles, c'est beau. C'est inspiré. Au creux des ruisseaux. Oh. Jésus, Jésus, chante dans tes doigts. Chante dans tes doigts, Jésus. Chante dans tes doigts. Chante dans tes doigts. Le pain, tu m'en tiens. Le cœur de la mort. Jésus, Jésus, chante dans tes doigts. Je comprends pas. Jésus, les doigts du ciel. Jésus, les bras du ciel. Jésus, la voix du ciel. Jésus, le roi du ciel. Jésus, Jésus, Jésus, Jésus, loin, Jésus, si tu me laisses aimer. Un peu plus loin, il fait une acrostiche avec Jésus. C'est ce que tu m'as donné. Acrostiche chantée, c'est rare. Ça, ouais, j'avoue. J'accrocherai ma vie. J'ose pas l'avancer parce que je sais pas les minutages exacts. Ok, on va l'écouter, mais tu nous la feras pas souvent celle-là. Mais c'est là. Et voilà. Comme éternel amour. Et comme soleil d'amour. C'est ça, c'est un peu redondant. Comme univers d'amour. Est-ce comme seul, comme seul, Jésus. Ça ressemble un peu à Normal Amour, mais en bon. Ouais, avec Normal un Amour, soupçon un... de... Un petit peu plus inspiré. Ben, ils seraient capables de refaire la toune, eux autres. Jésus, ouais, c'est ça. La peur de la guerre. Le nerf de la guerre. De l'enfer. C'est bon. La plaie de l'enfer, tabarnak. Jésus, Jésus, pleure dans tes doigts. Je sais. Un bout, là. Jésus, le ciel de Jésus, chante dans tes doigts. Chante dans tes Jésus. Ah, boy, yay. Ok, je pense qu'on va aller écouter quelques séquences. Hey, non, Jésus. Ça, ça finit avec ça, le grand cri. Je vais switcher vers une séquence de The Room. On va commencer à parler du film. Parce Oui, tu nous as amorti, mon gars. Je dirais que t'as mis le party. LMNOP. On va passer LMNOP. J'ai une courte chose à dire. Ouais, j'ai amené une toune qui s'appelle Madame X cette semaine. Puis ma dernière chronique de l'autre semaine avant, j'avais aussi amené Madame X. C'est vrai? J'ai oublié Mademoiselle X. C'est ça. C'est une thématique. Je vais peut-être. Il va y avoir une troisième suite. Madame X à chaque semaine. C'est tout. Puis là, ça ferait 3X. C'est à suivre. Ou 4X comme sur le disque cochon. T'aurais pu aussi, pour aller vite, t'aurais pu comme passer plein de lettres en passant juste une toune de Casey LMNOP. Oui, j'avais pensé à le faire, mais je trouvais que c'était un peu triché. Hey, ouais, c'est ça. Avant d'écouter une séquence, je vais parler un petit peu de ce film de 2003. En fait, c'est The Room, c'est le phénomène. Toi, Tommy Wiseau au complet, sa grosse face qui a déjà été sur un panneau à Hollywood. En fait, un panneau de publicité sur le bord de l'autoroute. Là, lui avait sorti de gros budget pour vendre son film. Plusieurs personnes l'ont vu. Ouais. En fait, c'est un film de 2003, résultat des délusions d'un seul homme. Durant plus de 5 ans, Tommy Wiseau, un inconnu inimportant sorti de diverses écoles d'acting, s'était forcé de trouver du financement pour mettre sur pied son film, tiré de son script, tiré de ses idées, tiré de lui. Plusieurs côtes de cuir coréens vendues plus tard, Wiseau se retrouve avec l'argent nécessaire pour réaliser son projet. Un humble 7 millions de dollars, donc. Quand même, hein? Et t'as réussi à ramasser ça? Peut-être plus que jamais, le budget sera la source des questions qui flotteront dans votre tête tout le long du chef-d'œuvre. Où sont passés ces 7 millions de dollars? La légende veut également que plus de 400 personnes aient contribué au long-métrage. De quelle manière un film de qualité collégiale peut-il nécessiter l'aide de 400 personnes? Très peu de réponses officielles ont transpiré du tournage. Les acteurs tentent tous d'oublier et faire oublier leur participation à ce film. Ce que l'on sait pour sûr, par contre, c'est que The Room, de Tommy Wiseau, est considéré par plusieurs comme le pire film de l'histoire. Le Citizen Kane des Ed Wood. Wow. Nous, comme on est toujours dichotomique et très rarement dépassé par l'émotion, on s'est arrêté à moins 7. Moins 7 surtout pour le punch incroyable de la séquence finale, de l'inusité imprévue, insultant et impertinent qui mérite un moins 2 d'un coup. Ça arrive pas souvent qu'on donne un moins 2 d'un coup. J'ai trouvé une des nombreuses, mais en même temps pas assez nombreuses séquences où la mère de Lisa, qui est l'antagoniste féminin, qui fait partie de la pointe désirable du triangle amoureux qui m'aïeule. On va les écouter parler. C'est beau. So I'm organizing a party for Johnny's birthday. Can you come? When is it? Next Friday at 6. It's a surprise. Oh. You can bring someone if you want. Well, sure, I can come, but I don't know if I'll bring anybody. Oh. That jerk Harold. He wants me to give him a share of my house. That house belongs to me. He has no rights. I am not giving him a penny. Who does he think he is? He's your brother. He is always bugging me about my house. 15 years ago, we agreed that house belongs to me. Now the value of the house is going up and he's seeing dollar signs. Everything goes wrong at once. Nobody wants to help me. And I'm dying. You're not dying, Mom. Everybody's dying. I got the results of the test back. I definitely have breast cancer. Don't worry about it. Everything will be fine. En fait, on est en train de discerner assez bien l'essentiel du propos de Tommy Wiseau. C'est que les personnages se parlent beaucoup de choses qui leur arrivent dans la vie, mais on n'a jamais de preuves, on ne sait pas ce qui se passe. Là, la mère ici vient de... Elle nous lance ça de même. C'est ça. Elle vient de nous dire qu'elle a le cancer des tontons. Définitivement. Définitivement. Mm-hmm. Et c'est la seule fois de tout le film que ça va être mentionné. On n'en parlera plus jamais. Puis même la réaction de sa fille, c'est « Inquiète-toi pas, ça va bien aller. » Puis là, on change de sujet. Et voilà, on passe à autre chose. On s'en va en avantage numérique. Là, pendant que les deux dames sont encore en train de jacasser en background, je pense que je vais les remettre. On va savourer. Ouais, c'est trop bon. Can I just talk to you later? You don't want to talk to me. Ben, fais juste ça. I just got done talking with a client and I have to get ready to meet him. Can I just talk to you later? Okay. I will see you later. Bye-bye. Bye. trop intense. On va y revenir. Là, je vais plugger une petite toune. C'est Caleur Reptile de Stella. C'est un groupe belge. C'est comme drôle. Puis après ça, on va avoir des nouvelles. Puis après ça, Julien. T'aurais pas dit Linda Lemay? L'album Y? Non, je pense pas. Non? Une chance, c'est dans une cage, tu vois. T'es contre deux mandats musicaux. Puis contre l'intérêt du groupe commun. Puis contre l'amour que nos auditeurs nous portent. Ouais, mais l'amour au quotidien, c'est ça qu'elle chante. Ouais, ça fait 8 fois que tu sors cet argument-là aussi. Fait que quand tu vas en avoir un deuxième, on va réouvrir le dossier. Pour l'instant, c'est Stella et Caleur Reptile. T'aimerais-tu ça qu'on soit plus des meilleurs amis? C'est quoi notre amitié est en jeu? J'ai vu une drôle de bête qui rampait. Était-ce un crocodile? Était-ce un alligator? Quel reptile? Je ne sais pas. Quel reptile? Je n'en sais rien. Quel reptile? Je ne sais pas. Quel reptile? Je n'en sais rien. Crotale pour faire marche arrière. Être lézard, c'est pas varant. Être un iguane, c'est pas fossile. Je ne dors plus, je prends des caïmans. Quel reptile? Je ne sais pas. Quel reptile? Je n'en sais rien. Quel reptile? Je ne sais pas. Quel reptile? Je n'en sais rien. C'est bien sûr le génie de, du compositeur. On hey, t'as dit « noun » à la radio 25 non, fois, Bruno. Le Konami-positeur. Ouais. Ça va être un beau moment à découper. Alors, on continue des nouvelles. Mécontent d'une publicité pour les céréales Coco Pebbles, dans laquelle un personnage Hulk Hoganesque se fait casser la gueule par le surnaturellement fort Boum Boum La Roche, Hulk Hogan poursuit la compagnie pour s'être approprié son apparence sans son consentement. Dans la publicité intitulée Coco Smashdown, le personnage nommé Hulk Boulder, nom que Hulk Hogan utilisait au début de sa carrière, n'a aucune difficulté à craquer la face de Fred Caillou et Arthur Lavroche en même temps, mais n'arrive pas à se sortir de la force spectaculaire de Boum Boum qui le lance dans les airs pour retomber après les stock shots de céréales et se casser en morceaux. Hogan se plaint que la compagnie ne lui a jamais demandé d'utiliser son apparence et affirme avoir été blessé par les représentations non autorisées et dégradantes dans la publicité de Coco Smashdown. Il est tellement fort, bébé, là. Il est tellement fort, Hulk Hogan, là, qu'il acceptera pas que le bébé, là, dans le dessin animé, lui fasse mal. Non. Peut pas. Ça m'a blessé. Ça m'a blessé. Je suis fort, bon. Il peut pas se faire casser. Même par Boum Boum Laroche. Ah ouais, c'est pourquoi qu'il est fort de même. On l'a jamais su. On le sait pas, mais il arrive en. C'est juste de il arrive dans un panier. Il gagne. Puis probablement qu'il s'en allait d'une autre famille. Ils se sont trompés. Ouais. C'est dans la famille des gens forts. Il s'en allait dans. Je pense qu'il a été élevé par des dinosaures, moi. Non, par Arthur. Non, c'est mais ça. Non, il était élevé par Arthur. Carlis. Arthur était impuissant. Ouais, je sais, mais avant. Avant. C'est notre spécialiste BD, man, qui écoute. Ben, moi, je pense je crois ça que de Arthur était impuissant, puis c'est pour ça qu'il ne pouvait pas avoir d'enfant. Ben oui, il ne pouvait pas avoir d'enfant. Fait Arthur. Que, ben, parce que. Il s'était dit qu'il ne pouvait pas avoir d'enfant. Ils l'ont pas adopté, quelque chose de même. Ah, non, ils l'ont trouvé sur le perron. Ouais. La cigogne. C'était comme un. C'était un. La cigogne s'était trompée, je pense. Ouais. Mais où est-ce qu'elle l'amenait, par l'histoire l'a dit. Où est-ce qu'elle l'amenait? On sait pas. Dans une famille de monde fort. Chez Monsieur Miroc, peut-être. Non. Dans la famille de. S'il y a un auditeur qui sait la réponse, il est le seul autre personnage. Parce qu'il y en a pas. Il y a Dino. Puis... C'était peut-être censé être le fils de Hulk Boulder, en fait. Peut-être. Puis que c'était encore plus grave, là, ce qui est arrivé là. Parce que là, il vient de casser la gueule à son père. Ben oui, moi, j'espère vraiment que Hulk Hogan va pouvoir se sortir de cette situation-là avec les honneurs qu'il lui sont dévoués. Je pense que quelqu'un d'aussi puissant n'a pas le droit d'être traité de cette sorte de manière. Non. Et voilà, je suis contre Coco Pebbles. Là, il y a des choses avec lesquelles il ne faut pas niaiser. Ouais. Vous n'avez pas encore la prestance ou le respect qu'on porte au Comte Chocula, là. Tenez-vous tranquille. Aïe, vas-y, un autre, man. D'accord. Un fan de mots croisés de 89 ans a utilisé Internet pour la première fois de sa vie afin de trouver la réponse à un indice sur une espèce d'âne. L'indice du 14 horizontal était « Wild Asian Ass ». Jack Sedgwick a tapé Asian Ass dans Yahoo et a été bombardé d'informations pertinentes sur le sujet. C'est sûr que site offrant même The Hottest Spicy Asian Ass You'll Ever See. L'ancien ingénieur affirme avoir été secoué par les images horribles de femmes asiatiques nues. Il affirme avoir trouvé sa réponse en faisant une recherche sur les sanctuaires pour ânes. Il s'agit d'un émoine ou d'un onagre pour ceux qui voulaient le savoir. Ah ouais. C'est quelque chose, ça. OK, ouais, Wild Asian Ass, c'était bien sûr un onagre. Mais c'est vraiment une excellente défaite à dire à ta blonde. Exactement. Parce que je faisais les mots croisés. Regarde, marqué Asian Ass. Ça date de 2 mois, chérie, ce journal-là. C'est pas grave, je l'avais pas fait encore. C'est ça. C'est quoi, ça a changé de forme depuis, des Asian Ass? Hey, mais merci beaucoup, Bruno. Ça va nous amener à transférer vers Julien Bernatché, notre expert en bande dessinée. Ouais. Fait comme ça, aujourd'hui, tu nous parles des 4 heures, ça. C'est exact, parce que je pense que les 4 heures, ça accompagne bien l'été. C'est vrai? Par la légèreté. Qui dit 4 heures, c'est 10 juillet. Ah oui? C'est vrai. C'est vrai. Tu vas-tu le faire à sucré salé après, cette chronique-là? Ah, ils n'ont pas voulu de moi. Ah, c'est très dommage. C'est ça, sinon, ben, j'avais pensé une bonne farce pour m'introduire quand je m'emmenais sur le chemin vers le studio. Je vais expliquer pourquoi ça sent le brûler partout dans Montréal. C'est parce que j'ai un dossier chaud sur les 4 ans. Wow. Alors, c'est ça. Alors, les 4 ans, ben... Invité! Très fort. T'es con. C'est ça, c'est tout ce que j'avais. Fait que sinon, j'ai même écrit un texte cette fois-là. Oui, il est très bien préparé. Merci beaucoup. Des moitiés de phrases, des débuts de jokes. C'est excellent. Tu peux faire une toune avec ça? Oui. Madame X. Madame X. Les 4 ans, alors, c'est cheap, c'est léger, c'est infantile, c'est un peu dégueu, c'est parfait. Je me considérais comme la personne idéale sur le sujet parce que j'ai pas lu un 4 ans dans les 15 dernières années. À part de ça, comme recherche, j'ai lu rapidement en diagonale la page Wikipédia. Puis j'ai regardé aussi les dessus de quelques albums. Puis les titres. J'ai aussi imprimé la page des. Toutes les titres. Hein, tous les titres d'albums. C'est sûr, quand même 43. Notre expert en bande dessinée. 43 albums. 43 albums. Quand même, hein, c'est le chiffre qui est écrit en bas, le plus bas. Oui, c'est exactement. Veux-tu nous lire quelques titres? Oui, oui, mais sinon je vais y venir. Mais sinon, les 4 heures c'est la vache sacrée, les 4 heures c'est la bombef, les 4 heures c'est la saucisse volante, les 4 heures c'est l'iceberg. Arrête, je suis trop tenté, man. Ben, c'est ça, c'est... Les 4 heures les c'est le fantôme. C'est l'iceberg. Il est là, il flotte. Man. Les 4 heures c'est le fantôme du Mont Saint-Michel. Le fantôme du Mont Saint-Michel. C'est le tome 31, ça, sorti en 94. Alors, sinon ici, c'est ça. Alors, ce que j'ai bien aimé dans la série, avec, un peu comme avec Lucky Luke, c'est que les personnages sont très simples, unidimensionnels et à peine esquissés, ce qui rend la lecture très légère. Mais moi, j'y vais un peu plus loin que ça et je suis arrivé à une lecture très personnelle, mal documentée, complètement arbitraire de la série, que j'appelle « Les 4 heures sont malheureux ». Fait que je comprends pas l'indifférence généralisée pour les 4 as, parce que pourtant il y a plein de séries aussi fades et sans goût qui ont la chance d'être adaptées en dessin animé ou en film. C'est vrai. Hein? Quand même. Fait comme Cédric, Willy Bill. Oui, Willy Bill. Willy Bill, deux séries différentes. Ouais. Et en plus, on peut se poser la question qui jouerait Buffy. C'est vrai. Ou Doc. Alors, je n'ai aucune théorie là-dessus. Le gros dans les bougons. C'était en fait ma seule théorie. C'était mon seul gag, je ne l'ai pas écrit. Un mec qui avait fait chier. Sur le sujet. Ouais, mais j'imagine qu'il aurait ferait pas le film au Québec, je présume. Ouais, mais bon. On peut pas le savoir. C'est juste des what if. Doc, ça pourrait être Grégory Charles, mais il faudrait blanchir un peu. Ils peuvent le faire, s'ils peuvent. Ouais, je pense. Alors, sinon, une expérience personnelle, une anecdote véritable. Tout le monde a des expériences avec les 4 as, je pense. Moi, j'en ai une. Tout le monde! Je viens de la Rive-Sud de Québec et j'étais un fervent amateur du festival de bande dessinée qui avait lieu au centre d'achat Place Fleur de Lys à chaque année. Ça paraît, non? Mais c'est ça. Et une année, je suis allé, c'était l'auteur des 4 as, celui qui s'appelle François Crahenhall. C-R-A-E-N-A-H-A-L-S, je sais pas comment tu le prononces. Il était là, puis il donnait un atelier. Ouais. Il donnait un atelier de bande dessinée. Où est-ce que tu pouvais dessiner? C'était avec, disons, un dessin de Buffy, puis une feuille blanche par-dessus, puis tu calquais Buffy, genre. Pis c'était ça. Supposons, puis là, je suis allé le voir, puis j'ai dit, peux-tu me dessiner un Buffy? Puis il a fait, mais non, parce que je t'en dessine un à toi, il faut que j'en dessine un à tout le monde. Oui, ça finira plus. Ben, c'est ça. Maintenant, il est mort en 2004, puis j'ai pas mon Buffy. C'est dommage. Ben, t'aurais pu juste le calquer puis tu l'aurais eu. Ben j'aurais pas eu, ça aurait pas eu la même valeur effective. T'aurais pu demander de te signer le Buffy que t'avais fait. Ouais, le gars, dans son humilité, il était en train de se dire que tout le monde voulait avoir un Buffy. Ouais, c'est ça. Il m'a pas apparu super sympathique. Non, parce que c'est assez commun quand même. On sait que les BD dessins avant. Ben, me semble, fais-moi un Buffy, Calis. Il aurait pu te dessiner une boîte de conserve à la limite. N'importe quoi. D'ailleurs, par opposition, j'avais rencontré celui qui dessine Natacha, puis j'ai demandé de dessiner Natacha tout nu et il l'a fait. Avec beaucoup d'humour, oui. Je vais prendre le dessin éventuellement, voir la preuve physique de tout ça. Ouais, j'ai hâte de voir ça. On va faire un dossier Natacha aussi, parce que j'en ai lu aucun. Mais... tu l'as vu tout lu, c'est quand même pas pire. Encore moins que 4 heures. 4 heures, j'en ai lu quelques-uns. Natacha, jamais, je trouvais que ça valait la plate. Oui, c'est vrai, mais c'était plate. Moi, j'en ai lu, puis c'était plate. Mais bon, mais l'auteur est encore en vie. C'était quand même pas mal. J'avais pas accroché 4 heures. Alors, sinon, voilà mon. C'est une fille sexy dedans, déjà, ça part bien. Ben, il y a Dina dans les 4 heures. Ouais. Pas pareil. C'est sûr. Alors, sinon, on analyse très mal écrite des 4 personnages. Ici, t'as Lastic, inventeur de l'expression Diable Vert, qui est le leader. C'est un être narcissique, je crois, qui porte un amour démesuré sur sa personne. Les êtres narcissiques sont généralement fragiles, puis menacés dans leur équilibre facilement. Alors, malgré les nombreuses aventures qu'il a vécues, telles qu'une rencontre avec des dinosaures dans Les 4 as et les dinosaures, ou avec une momie dans Les 4 as et la momie. Et on avec pas... une saucisse dans Les 4 as. Oui, 4 as et la saucisse. Et la liste goes on and on. Il n'arrive pas à trouver le bonheur autrement qu'en s'autoproclamant chef d'une bande de jeunes qu'il ne l'aime pas, en tout cas d'après moi. Buffy, boulimique notoire, mange ses sentiments et gruge un peu les nôtres en même temps, avec ses inepties répétées et ses gags de mauvais goût. C'est un piètre modèle pour tous les enfants obèses et imbéciles, soit le public cible de la série, avec son amour démesuré pour les saucisses, un amour d'ailleurs qui révèle beaucoup, en tout cas d'après moi. Doc est un homosexuel refoulé comme Lucky Luke et le grand Schtroum, qui se prend toujours en bédaine, amateur de citations latines et de nœuds papillons, sans dit long, je crois. Ça, là, on n'a jamais trop de citations latines. Ça, je suis d'accord. Non, moi, je pense... Tant qu'à me tenir avec un des 4, je me tiendrai avec Doc, je dirais. Mais bon. Ouais, sûrement. Ouais. C'est la voix de la raison, mais quand est-ce que t'as le mieux pour toi, c'est d'être la voix de la raison des 4 as, tu vaux pas grand-chose, d'après moi. Ensuite de ça, il y a Dina, la petite slot, qui aime probablement le rap, je crois. Lastic la surnomme d'ailleurs régulièrement « Jeune tartelette et passoire brevetée ». Ce qui nous démontre donc qu'il n'a aucun respect pour elle ou pour personne. Par extension. Elle apprend pour acquis, hein? Elle sert à quoi, elle, à crier quand elle se fait kidnapper? Ben, en fait, de ma lecture de la série, elle fait juste avoir peur tout le temps. Elle se maquille. Ce qui n'est pas un signe de courage. Non, clairement pas. Non, pas ça. Elle fait juste leur sauter dans les bras, puis je sais pas, mettre des vêtements friolants. C'est juste ça, ça prenait une fille, là. Ben, c'est ça. C'est comme nous autres, on a Evelyne. On accusera on n'accusera pas les 4 âges de sexisme, il y a une fille. Qui a toujours peur. Mais en tout cas, elle vit avec 3 gars et un chien, mais elle french personne. Fait que d'après moi, c'est une lesbienne ou une agace. Mais bon. Ou les deux. Il y a un chien, j'y viens. Oscar aussi, qui est toujours avec eux aussi. C'est... D'ailleurs, comme rentre en plan au Milou, on peut lire ses pensées, mais on n'aurait pas manqué grand chose si on n'avait pas pu, je pense. Mais bon. J'ai pensé le chien. À ton humble avis. À mon humble avis. Je me rappelais pas pantoute qu'il y avait un chien. Il y a un chien, il est toujours là, toujours avec quelqu'un. Oh, ouais. Ça m'a pas marqué. Mais il s'appelle pas les 4 ans et demi, par exemple. Non. Fait que c'est. Il considère pas beaucoup il a le chien. Pas encore ses galons, lui. Lui, c'est pas un non. an. C'est pas les 5 ans, c'est jamais devenu les 5 ans. Non. Mais il y a jamais 5 ans, c'est Noé. Puis il est mort. C'est vrai. Non, c'est ça. S'il y a 5 ans, il y a quelqu'un qui se fait tuer en général. Puis dans les 4 ans, mettons, ce serait lequel le plus du genre à dire ta gueule, c'est ma montre? L'astic, c'est lui qui a le plus de personnalité. Ouais. Bouffy, il mangerait la montre ou je ne sais quoi. Autre. Puis Doc, il a des frais en disant. Ouais, il ferait un char. Carpus, Sanctium. Fistum, Smegmatum. Oui, voilà. Elastic, c'était pas un bon bricoleur aussi? C'est Doc, je crois. Il faisait pas de la mécanique, mon affaire. Elastic, ouais. Il me semble qu'il s'intéressait au char. Ça se peut-tu, ça? Ben, ouais, c'est ça serait assez mal à faire. Ouais, mais ça fait 15 ans qu'il en a pas lu. Moi aussi. Non, mais d'après. Fait qu'on comprend nos notes, là. D'après les titres d'albums. Il n'y a pas l'astic. Je dis pas vraiment que l'astic aime les chars. C'est pas écrit dans le titre. Il n'y a pas les 4 ans et l'astic, le mécanicien. Ici. Non, c'est ça. Alors, les 4 ans au garage. Aime les chars. Non, c'est ça. Sinon, ben, d'après les titres, on peut voir que les 4 ans sont allés sur Mars. Ont combattu un tyran, un tsar, Picasso. Dans les 4 ans, c'est Picasso. Ils ont combattu Picasso. Oui. Un robot vandale, un requin géant, un serpent de mer, une déesse des mers, un monstre des océans, une licorne, un aéroglisseur. Et bien d'autres. Il n'y avait plus beaucoup d'idées. Ils ont donc un éventail plus grand d'ennemis que Spirou ou Lucky Luke, ce qui les rend, à mon avis, moins intéressants. Je dirais, combien d'ennemis ça te prend pour te sentir vivant? Je pense. Puis, est-ce considérer des saucisses c'est comme ça. Des ennemis aussi? Ce serait des ennemis pour son physique, c'est ça. Peut-être. Ça soulève des questions, les 14. Ça semble léger, mais. Ben oui. J'aimerais aussi noter le tome 26, Les 4 ans, c'est la navette spatiale qui se passe au Québec. Ça, c'est véridique. Je l'avais lu quand j'étais jeune plusieurs fois. Spécial du Québec. Parce que quand j'avais 9 ans et que j'aimais bien les 4 ans, cet album-là, il se passait au Québec. Il y avait un personnage à l'intérieur qui sacrait, qui disait tabarnak puis calice. Puis à 9 ans, je trouvais ça malade mental. J'aimais ça. Idée européenne. Alors, si tu faisais lire. Ils savent pas que c'est vulgaire puis que c'est du mobilier à Jésus. c'est exact. Fait que si vous aviez un 4 ans à lire, une lecture essentielle, ce serait donc le tome 26. Sinon, je terminerai en notant le dernier tome de la série. 42. Les 4 ans, ça The Price is Right. Ben ça, il n'y a plus de nation à mener à visiter, puis de planète. Ouais, c'est ça. De monstres mythiques à lutter. Quand il n'y a plus de nation ni de planète à visiter. Ben c'est ça. Qu'est-ce qu'on fait? On va à The Price is Right. Les 4 ans retournent en Écosse. Ça intéresse personne. Ils sont déjà allés. Et bon. Je noterai donc en terminant le dernier tome de la série, le 43e, La balade des 4 as. On est encore une fois véridique. On apprend au début de l'album que les 42 albums précédents étaient un rêve. Oh non! Non! C'est quelle exact. L'album, c'est vrai. Je l'ai lu dans ma recherche. Ça commence avec l'astic. C'est le rêve de l'astic. Ah. Il se réveille. Puis on apprend que les 42 albums précédents seraient un rêve. Ça serait un twist, là, à la M. Night Shyamalan. Je sais pas. Ah oui. Ou à la Dallas. Je l'ai noté dans mes notes. Ouais, voilà. C'est un twist à la Dallas. Ben, entre autres, c'est ça. Ben, c'est que, à la limite, ça rationaliserait toute la série. Ben, ça expliquerait comment que des jeunes ont pu vivre tout ça ou avoir rencontré deux groupes de gens pareils comme eux. Mais ça, tous les 42 albums, c'était un seul immense long rêve. Ouais, qui aurait duré plusieurs années. Qui rêve, finalement. Alors, d'après un calcul, ça veut dire que les 1892 pages de 4 as qui précédait les tombe 43, ce serait un rêve. Oui, alors mais quand je dis bravo. Quand on rêve, là, ça va super vite. Hein. Ouais, c'est ça, c'est des flashs. Des fois, on a l'impression de rêver longtemps, mais dans le fond, là. C'est ça. Nous, après, on rajoute de la viande autour. Hein, quand tu te bats contre la licorne, dans le fond, tu sais, ça a passé vite. Non, c'est pas arrivé, ça. Mais quand il se réveille, est-ce qu'il y a des différences dans la vraie vie par rapport au rêve ou c'est encore tout pareil? Oui, en fait, quand il se réveille, mais ça, je l'ai malheureusement pas noté. Il n'y a pas d'amis. Quand il se réveille, non, il rencontre, dans le fond, les trois autres jeunes, les trois autres quatre as existent aussi dans la vraie vie, mais ils n'ont pas le même nom. Puis c'est des jeunes normaux, avec des intérêts normaux, qui vont sur Internet, puis ont des cellulaires. Comme pas juste manger. C'est pas juste manger. Puis c'est ça, fait que ça donne une certaine profondeur à la série, je trouve, quand c'est même. C'est comme un genre de rethinking. Est-ce qu'il avait l'intention de faire un autre 42 albums avec ses nouveaux cadres? Ce qui est d'autant plus un viol de cette excellente œuvre, c'est que le tome 43 a été fait après la mort de l'auteur. Il a fait les 42 tomes précédents. Fait qu'ils ont dit, tiens, on va faire de quoi que ça. Ouais, c'est ça. Ben, c'est ça. Puis il n'y en a pas eu d'autres depuis le tome 43 sorti en 2007. Puis il n'y en a pas eu d'autres. Est-ce que tu dirais à ton humble avis, ne l'ayant pas lu, est-ce que tu dirais que le tome 43 est le meilleur? De loin, définitivement. je pense sûr, généralement, ouais, quand c'est fait après la mort de l'auteur. Ouais. C'est tout le temps, c'est vraiment bien meilleur. Ben, c'est vrai que après Gossin et moi, il y en a eu plusieurs. C'est vraiment meilleur. Le dernier, celui, ça sera pour une autre chronique. Celui avec les Martiens, là. Mais oui, celui avec les Martiens, c'est très. C'est excellent. Très fort. Oui, oui. J'ai assez hâte de voir le tournant de Dragon Ball GT après la mort d'Akira Toriyama. Oui, aussi. On attend tout ce que ça. Super Saiyan 12. Ben là, il a comme lâché ça pas mal. Bon, alors c'est vrai, ils s'en occupent plus. Hey, merci bien gros, Julien Bernatchez. C'est très intéressant. Oui. C'était assez édifiant. Je pense qu'on connaît beaucoup mieux ton opinion des 4 as. Ouais. Moi, je suis très contente de te rencontrer, Julien. Moi aussi, je suis contente de te rencontrer. C'est quoi ton nom, là? Dina. Dina. Dina, pas de vinclusion. Quel hasard. Hey, DJ, je pense que sans plus tambour ni trompeter, on va transférer vers toi parce que. Il est déjà 8h05, ça passe vite, on s'apprécie. Mais toi, t'as rien à dire sur le film? Moi, je l'ai lu un petit peu tantôt, il m'en reste encore un bon bout. Ok, j'avais peur, là. On a du temps encore. On va essayer de clencher un peu dans l'alphabet, là. J'ai une toune ici, j'en ai parlé, mais je l'ai jamais fait jouer. C'est Céline Delamay? Non. C'est 6h. Il est fatiguant, hein? Il faudrait couper son micro dans sa cage. On va brosser la cage un peu, là. J'ai ici, je suis rendu à Q, donc « Que la vie est plate ». Ouais, c'est ça, fais du mal. Cage est en spring un peu. Bon effet de cage. Ouais, ça m'a super bien fait. Donc, « Que la vie est plate », c'est une chanson de Gilles Paul. Puis ce qui est intéressant de la chanson, c'est qu'elle est tirée de l'album « En amour avec la vie ». Donc, « Que la vie est plate, en amour avec toi ». Moi, je comprends pas. Vous allez voir, la toune est plate aussi. Il chante l'amour au quotidien. Pas vraiment l'amour, il chante l'ennui au quotidien. Ah, comme ce que Linda Lemay donne. C'est ça. De cette chanson, vous pourriez me dire si j'ai pas raison. Si je suis nu au monde, c'est pas pour chialer. Si ça continue, je t'arrête de lâcher. Que la vie est plate, maudit que c'est niaiseux. On se traîne à quatre pattes, on sait pas ce qu'on veut. Le pire, c'est qu'on n'est pas heureux. Que la vie est plate. C'est mon père en est celle-là. Pas pire, hein? J'adore. On mélange les styles. Ça me touche un peu sur le jus. J'ai mis mon macaron, la vie c'est de l'ostinement. Et voilà. Ça te rejoint clairement. C'est un signe. Tiré de ce même album, En amour avec la vie, il y a aussi Faites-moi pas chier. Mais là, ça, c'est pas dans l'alphabet, j'en ferai jouer plus tard. Ah, la rigueur maintenant, l'alphabet. Ah, il y a toujours de la rigueur. Il faut que la toune ou le nom de l'artiste commence par la lettre. Ou le nom de l'artiste, ou la toune, ou le nom de l'auteur, ou le nom de l'année que la toune est sortie. Ou le nom du email de sa sœur. C'est ça. Toujours quelque chose de la même. Ou Frédéric de Grandpré. C'est ça. Lui, c'est comme un joker. Wild card. Son nom commence par une étoile. C'est un frime. Ah, mais c'était pas mal particulier, celle-là. J'ai hâte d'entendre l'autre extrait de l'album En amour avec la vie. La semaine prochaine, peut-être, si on finit aujourd'hui l'alphabet. Donc, on continue tout de suite avec le R. J'ai Régis Gagné qui nous chante ici une belle toune de trucker. Ça, c'est le fun des tounes de trucker. De mon métier, je suis trucker. Je roule la nuit. OK, ça va être quoi le mot de la prochaine phrase? OK, cœur. Je roule la nuit. Sur les highways. Les highways. C'est tout le temps les highways. ah. mon moteur. Ouais, ouais. Je passe mon temps à fredonner The Ring of Fire. Ah. What do I care? Écoute, c'est classique. Ouais. De Saint-Hubert Barbecue. Where you dare? Du Johnny Cash. J'aime bien chanter. C'est même que tout a commencé. Et voilà. Hey, yeah. Parce que l'histoire, c'est qu'il devient un chanteur. Il s'explique ses débuts. Inscrit au camp. Au camp. Pour d'amateur. Pour d'amateur. Pour le au plaisir. Pas pour gagner. À ma surprise. Oh non. Me v'là winner. Winner. Ma carrière vient. Le trucker winner. De débuter. Carrière vient de débuter. The ring of fire. What do I care? I walk the line. Fait que sa longue et carrière de débuter comme ça. Du Johnny Cash. J'aime bien chanter. C'est de même que tout a commencé. Régis, ça, c'est le barbu, là. Régis Gagné, je sais même pas de quoi il y a. Ok, si elle me semble, c'est ça. Il y a terminé. Ouais, Alex. Ouais, okay. Cette chanson-là. Je vais juste mettre la fin. Ça donne l'impression qu'on a tout écouté. Et voilà. Je sais que Bruno, il aime ça quand ça finit de même. Pour tourner la page. Ça rentre-tu en ce moment? Fait que voilà. S maintenant, ben, on a Claude Steben qui nous chante « Si ton bec aime mon bec ». Donc ça, c'est plein de Captain rimes. Captain Cosmos? Rimes très riches. Ouais, Captain Cosmos. Tu sais bien ça? En fait, c'était dans le temps qu'il n'était pas encore capitaine, bien sûr. Vous allez voir le refrain dans ses songes. Ça rime tout le temps. Encore un peu dans le refrain. Tu remplis mon cœur de folie. Si un jour tu m'abandonnais, je serais perdu à jamais. Et c'est là. Si ton bec aime mon bec, comme mon bec. Ça rime-tu assez à votre goût? Moi, je pense que Claude Steben, là, son œuvre en majorité, là, c'est pas super bon. J'aime bien son personnage de grand-papa Jauve, moi. Ouais, le pédophile. Ouais, et il chante avec ses jumelles Steben. Ah, c'est un personnage de pédophile? Non, c'est que pendant qu'il faisait ça, il a été accusé de pédophilie. Ah, c'est venu après, les... C'est what? C'est, que ça c'est le même gars, mais avec une barbe grise. C'est ça. Parce qu'il était rendu vieux. Ah. Ça a pas pogné longtemps. Ça n'a pas duré longtemps à cause de ça. Ben moi, j'ai deux albums. Jaune. Ça a passé à la télé aussi, à un moment donné. Ah. Ouais. T'as deux albums du grand-papa Jaune. Ouais. Ah, ben, je peux peut-être les amener à Étienne. Ça serait cool. Ouais, ça serait cool. J'en ai pas, moi, de ça. Sinon, bon, T. Alors, T, c'est The Girl from Ipanema. Oh yes, ça c'est Frédéric de Grand Prix. Non, c'est beaucoup plus insupportable encore. C'est Mrs. Miller. Vous allez voir, ça commence suave comme il se doit, jusqu'à ce qu'elle chante. Ah non, c'est Daniel Doe qui l'avait repris. Oui, elle est excellente cette version-là. Mais là j'en ai mis une moins excellente. Donc on va l'avancer. Oh tabarnak. Don't I watch her so sad. Que de trémolo. Et sa note, c'est sûr qu'elle arrête pas de tourner autour. Oh. Je pensais que ça venait d'un autre tune. Ouais, c'est ça, on dirait vraiment qu'il y a deux tunes qui jouent en même temps. En tout cas, elle a le rythme dans le sang. Ah oui, Mrs. Miller, là, c'est une vieille madame, elle a fait de la chorale, puis elle s'est payée des disques comme ça, rendue à 60 ans à peu près. Fait qu'il y a comme personne qui avait le pouvoir de dire arrête, c'est pas si bon que ça. Ben, il y a beaucoup de monde qui trouvait que c'était bon. Fait que voilà. Aussi, elle est bonne pour siffler, puis des fois, quand elle se souvient plus des paroles, elle siffle spontanément. Pis quand elle siffle, elle met du trémolo dans son sifflet aussi. Non. Oh non. Pareil, mais là, je sais pas. Tous les talents. Je pense pas qu'elle siffle dans celle-là. On l'avance au hasard pour voir. Ah ouais, mais carrément sur l'enregistrement, là. Ouais, oui. Même pas live à chorale. Je pense pas qu'elle siffle dans celle-là, malheureusement. J'en ferai écouter un bout de sifflet plus tard ailleurs. Fait que voilà, ça vient de l'album « Will Success Spoil Mrs. Miller ». C'est de la question qu'on peut se poser. Et elle reste encore ouverte. Oui, voilà. OK, U. Alors, U, on a Anne-Renée qui nous chante « Un jeu de fou ». Hey, ça va vite, on est dans U. Ouais, on clenche. Check bien le jeu. Oh, ça va. Elle prend un nom, puis elle fait ça avec. Fait qu'elle va faire un autre. faux Patrick, banana, fana, faux Patrick, FIFA, mon Patrick, Patrick. Là, on va l'expliquer, la chanson, son jeu. Ouais. Allons-y tous ensemble. Je vous propose un petit jeu. Faites un jeu pour les gens rieurs. Ça, vous allez pouvoir la faire, vous aussi. Avec toi, c'est encore mieux. Oui, toi. Tu prends le nom que tu veux. Ok. La première lettre n'existe plus. Oh. Là, je voudrais juste dire, parce que moi, je suis en effet des algorithmes dans ma vie, il y a une petite exception. C'est pas tout à fait vrai. La première lettre n'existe plus, sauf si c'est une voyelle, la première lettre. Ah. OK, voilà. OK. Puis est-ce que. Oui. Est-ce qu'il faut que ce soit un nom à deux syllabes, absolument? Pas nécessairement. Elle en a fait avec une syllabe. J'imagine que tu pourrais le faire avec trois, mais ça serait dur de le faire rentrer. Ouais, OK. Une ou deux, disons. Okay. C'est déconseillé si plus tu de mets deux syllabes. Ouais, c'est ça. Puis je dis beau, mais B quand je dis le nom. Encore plus fou. Si tu prends un M, ça fait des fous un peu partout. T'as compris, c'est très facile de trouver d'autres noms. Donc, t'as compris, là. Ça, c'est l'explication la moins claire que j'ai entendue. Mais par l'exemple, c'est facile. Là. C'est ça. Moi, je l'aurais pas expliqué de même, en tout cas. Sylvain, Sylvain, beau Bilvin, banana, fana, beau Bilvin, FIFA. Ouais, viens une sandwich aux grosses négresses. Ben, moi, ça rentre mieux dans ma sacoche, les tasses, les pas jetées entre deux crottes de nez. Elle appelle ça un jeu. Un jeu, c'est un jeu, on peut le faire. Regarde, on va le faire avec toi. Mettons, OK, Tommy, beau bunny, banana fana, faux fomi, FIFA, momomi, Tommy. C'est drôle, hein? On peut le faire avec n'importe qui. Mettons, Bruno. Mais ça vient de, parce que Ludger. Bruno, beau Bruno, non, ouais. Ça change même pas. Banana fana, faux Fruno, FIFA, momruno. Bruno. Bouffi. C'est fou, là. C'est parce que Ludger, il chantait ça à un moment donné, puis je savais pas ça venait d'où. Ça vient de ça. Ça vient de mais ça, c'est pas elle qui a inventé ça, c'était une tune en anglais avant. C'est meilleur en anglais. Elle l'a juste toute traduite. Ah ouais? Ouais. Ah oui, ouais, tu le croiras si tu veux, mais Anne-Renée, c'est pas elle qui composait cette tune. Hey, je pense qu'on va développer un petit peu un bout du film, ce que t'en dis. Ouais, ben il reste Evelyne aussi, j'aimerais ça entendre du lancer quand. Ah ouais. bon. C'est correct, moi je viens tout le temps pour rien. Là, Non. Là, je me sens coupable, je veux qu'on écoute Evelyne. Ben en fait, juste avant, je vais mettre une petite minute. Là! Ah, OK, d'abord, on écoute Evelyne. Non, Evelyne. C'est correct, on écoute Evelyne. Non, là! Vas-y, Evelyne. Ah, pour vrai? OK, écoute, Bruno, c'était ça. Sous pression! OK, ben j'ai juste feinté comme ça un petit bout de l'enseignante. Sinon aussi, si vous voulez, là, j'ai ramassé quelques dumblas sur la Pennsylvanie, vu qu'on s'est fait clencher par les Flyers la semaine passée. Ben là, là... Est-ce que vous tentez en premier? L'enseignante. Ouais. Un bout de poétique. On sait pas trop on est où, merci, Étienne, merci. Alors, ça va comme suit. Pour nous reposer de la fatigue du voyage, nous sommes allés nous jeter dans la piscine de l'hôtel. Pendant que les filles s'amusent à s'arroser à qui mieux, moi, par la fenêtre, j'observe le vent soulever la neige en spirale et je songe. On se croirait dans l'émission, pour vrai. Skier, me dis-je. Oui, skier. Pour oublier que la pente de mes affaires se descend bien mal depuis quelque temps. On n'en parle guère, sauf avec Albert, et de moins en moins. Mais j'y pense souvent. Skier pour fuir, échapper à l'inévitable qui s'annonce, la terrible réalité. Fermer la boutique de Québec qu'on ouvrait il y a 2 mois à peine. J'ai tellement flambé d'argent dans cette aventure, nanana, on s'en calisse. La seule présence encore vivante de Guy, ma moitié disparue, la maison de Trois-Rivières, notre maison. Il y a de quoi se noyer dans l'inquiétude. Skier pour réfléchir, flairer l'avenir, trouver les moyens de m'en sortir, oublier le poids de l'angoisse. Lancez-cours! C'est un roman sur une histoire de hockey, d'une équipe de hockey. Je sais pas si, quand vous en avez lu des morceaux, une fois j'étais pas là, j'ai pas entendu, mais j'aimerais vous lire la petite dédicace du début. En reconnaissance à Richard Martin qui, le premier, eut l'idée saugrenue d'associer deux fumeurs de pipe, un romancier et un chroniqueur de sport en vue de l'écriture du feuilleton de télévision dont ce roman s'inspire. Ah, voilà. Et bon puis Rénal Tremblay, l'auteur, dédie « À mes très chers frères, tous les mâles et machos de la Terre. Ah! C'est bon. Ouais, hey, c'était ça, vraiment ça macho dire... de skier pour c'est... penser à sa vie. Ça veut dire que c'est méta, hein? Oui. C'est du monde qui a écrit un script de télésérie qui est devenu une télésérie qui, après ça, est redevenu un roman au travail. De... Oui, c'est ça. Hey, c'est... Ouais. Moi, ma mère, elle a le 2 puis le 3, hein? Je pourrais essayer de les amener. Quelle légende. Bernard Tremblay est né le 23 avril à Chicoutimi, 43. C'est merveilleux. Envie de pleurer, toi. Comme toujours. C'est à cause de Linda Lemay. Ben, hey, tu peux nous lire quelques-unes de tes dames-là. On garde encore le temps. Ah, ben OK. Tabarouette, je suis gâtée. Ah, hein? Tu seras pas venu pour rien, ce fois-là. Hein? Ben non, c'est ça. Moi, c'est ça. Fait que vu que, pardon, on s'est fait clencher par les Flyers la semaine passée, je me disais que des lois de la Pennsylvanie... Je suis déjà allée en Pennsylvanie visiter les Amish au Amish Market. Ah, ben c'était, oui. C'était le fun. Ils sont pas mal drôles. Alors, en Pennsylvanie, il était interdit d'attraper des poissons avec aucune partie du corps sauf la bouche. Ah, OK, ça doit être facile. Oui. Il est illégal de retrouver 16 femmes dans la même maison car cela constitue un bordel. Automatiquement, là, automatiquement. Tu fais un party de jour de l'an puis t'as 16 tentes, là, non, c'est un bordel. Un bordel. Vous ne devez pas chanter dans le bain ou dans la douche. Ah, 16 femmes. C'est interdit. 15, c'est smooth. Ouais, il est aussi interdit de dormir sur les réfrigérateurs extérieurs. Ah. Je trouve ça intéressant. Puis là, ils ont vraiment quelque chose par rapport aux motocyclistes. Tout motocycliste roulant sur une route de campagne la nuit doit s'arrêter à chaque mille pour envoyer un signal à l'aide d'une fusée. Un rocket signal. Ouais. Attendre 10 minutes que la route soit comme claire d'animaux sauvages et continuer. C'est bon. Fait que 10 minutes d'attente à toi et mille. Voilà. Ça faut que tu partes de bonne heure. Voilà. Ensuite, tout motocycliste qui aperçoit un groupe de chevaux venir vers lui doit s'éloigner le plus possible de la route, couvrir sa moto avec une couverture qui fit avec le paysage. De camouflage. Et puis, laisser les chevaux passer. Pas que les chevaux voient des motos, pas qu'ils se sentent trop jaloux. Ouais. Parce que les autres, ils vont juste à un cheval vapeur tout le temps. Ouais, c'est ça. Ça n'était quand même des beaux. Fait que c'est ça. Moi, je suis contente d'avoir réussi à vous les partager. Moi, j'aime toujours ça quand tu fais ça. Ouais. Ça fait très plaisir. Merci beaucoup, Evelyne Potvin-Coutier. Il a failli m'appeler Étienne Potvin-Coutier. Étienne Potvin-Coutier. Oui. Bon, ben, sinon, ben, il me reste moi, puis tout le monde a pas mal fini. Ouais, ouais. Mm-hmm. Aïe, ça va vite. Save the room! Ça fait combien de fois là, qu'il est en compétition? C'est un excellent film. En un an et demi, à peu près, ça fait 3 fois qu'il est en compétition. Voilà, là, voilà, il a passé. Voilà. Enfin. On va écouter une petite séquence ici avant de retourner en discuter. C'est The Room, hein? C'est 2003. Là, on repère l'ambiance glauque. On est sur le toit, le légendaire. Bam! C'est stressant. Quelque chose qui nous stresse. Il manque juste le drameur de Dead Gipre. Hey, Danny. Chris R. I've been looking for you. Yeah, sure you have. You have my money, right? Yeah, it's coming. It'll be here in a few minutes. What do you mean it's coming, Danny? Where's my money? Just give me 5 minutes. Just give me five. 5 minutes? Five. You want 5 fucking minutes, eh? Eight. You know what? I haven't got 5 fucking minutes! Oh no! Le gun, do it, do it! I'm gonna ask you again, Danny. Where is my money? I don't have anything. Where's my money, Danny? Where's my fucking money, Danny? Just use my fucking money! I swear to God, it's coming! Where's my fucking money, Danny? Put the gun down. My fucking money! Where's my fucking money, Danny? Oh, hi, Johnny. Une intervention musclée ici de la part de deux des antagonistes qui sont nos héros. Exactly. Johnny et Steven. Je vous dis. Deux des parties du triangle amoureux. Je voulais vous faire écouter ça parce que il y a Donnie qui est un des personnages principaux du film, c'est-à-dire qui sert à peu près à rien. Il est beau. Il vient de se faire attaquer par un gars qui est un vendeur de drogue. Et ça illustre très bien la problématique de fond du film, c'est-à-dire il y a plein de petites histoires en périphérie qui se passent, qui ont l'air importantes, mais dont on se calisse éperdument. c'est la dernière fois qu'on entend parler de la drogue et de Donnie. Il n'y aura plus jamais de menaces de fusil. Et voilà, c'est réglé, c'est on réglé. Passe à autre chose. Même s'il n'a pas eu son argent. Et même si. Puis j'aimais ça aussi, le fait qu'il est sur un toit, il menace un kid. Le kid dit, d'ici 5 minutes, ça arrive. Là, il sort un fusil, puis il menace. Ouais, là, ça va arriver plus vite si tu le menaces. Ouais, c'est ça. C'est parce que, tu sais, t'as maximum 5 minutes pour le tuer, puis t'en aller, puis faire sûr que personne t'a vu. Ouais. Si tu veux pousser tes menaces à bout, sinon, tu vas faire rire de toi. C'est peut-être pour ça qu'ils n'ont pas été plus loin dans ce cas-là. Et voilà, c'est le génie de Tommy Wiseau d'avoir créé un cosme qui va être réglé dans The Room 2, The Room 3, The Room 4 et bien sûr l'indispensable 3D. The Room 5 qui va venir tout patcher les affaires. Le super Room 4. Ouais, mais c'est celui-là qui ne sera pas numéroté, ça va être La Room. Non, mais moi je pense que ce qui manque, c'est juste comme un lien avec Lost. Ouais, ah. Là, automatiquement. The Room, pas c'est où, pas où, c'est quand. Ouais, c'est pas fou ça. Ouais. En gros, The Room, c'est l'histoire d'un triangle amoureux mettant Johnny, Steven et Lisa au centre de l'action. D'ailleurs, dans la première demi-heure, on va pouvoir savourer une nouvelle définition du mot passion. En se faisant imposer quelques séquences de ralenti assaisonnées de saxophones langoureux et de tripotage d'actrices presque mineures. Ensuite, la diégèse vous amènera dans l'univers des personnages inutiles du film. Ils sont nombreux et vous exposeront tous un problème irrélevant qui disparaîtra aussitôt que la dite diégèse les aura mentionnés. Au pinacle, on retrouve la célèbre ligne qu'on a entendue tantôt, « I've got breast cancer, I definitely have breast cancer », lancée par la mère de Lisa. La consécration, bien sûr, de ce mouvement voué à remplir de vide un film dépourvu de substance. La première demi-heure se passe dans l'intimité des amoureux, on l'a dit. Oui, vous allez ressentir un malaise devant cette passion exprimée tout croche par des acteurs qui viennent de se rencontrer. Et puis ça va se répéter plusieurs fois. Puis le choc de constater que le ciel de San Francisco est un green screen mouvant, glorieux. Et puis ben, vous allez remarquer en background que ça bouge d'un plan à l'autre. Ça va bien sûr ajouter au malaise laissé par cette inutile utilisation des merveilles de la technique moderne. Ensuite, ce sera le mariage et sa préparation. Surtout ponctué de discussions vacuites entre Wiseau et quelques-uns des acteurs jouant ses très peu nombreux amis. The Room est un film à dialogue, du doute psychologique. Vous devrez vous concentrer sur les interventions des personnages si vous voulez vaincre. Et c'est durant cette période du film que vous allez rencontrer mon innovation tirée du film qui est ma favorite à moi. C'est le Wiseau Ball. Le Wiseau Ball, oui, c'est assez fabuleux. Le Wiseau Ball se joue en un seul cadre de caméra. Il n'y a aucune limite de joueurs pourvu que tous les joueurs rentrent dans le cadrage. Les joueurs seront idéalement habillés confortables. Quant aux règles du jeu lui-même, elles sont assez floues. On décèle une volonté de garder le ballon en l'air le plus longtemps et souvent possible. Mais le processus de marquage des points est encore incompréhensible pour les non-initiés. Peut-être que le Wiseau Ball est un jeu inclusif, quelque chose qui permet à tout le monde qui y participe de finir perdant. On en reparlera. Enfin, c'est l'escalade finale lors du party du mariage avec tous les amis présents. Je l'ai dit tantôt, une séquence à moins deux d'un coup, il n'y en a pas beaucoup dans le monde. Et puis, ben, finalement, on a déjà parlé des visionnements mensuels de The Room ici à Montréal qui chargent 10$ et qui ne fournissent même pas les projectiles. On n'a rien à voir avec ça. Rien ne transpire de rien de bien et d'utile peut transpirer de taper sur le même film tout le temps. On cherche ici à comprendre comment un être humain est pu considérer que le long métrage de ce soir en était un réussi et complet, méritait un investissement de 7 millions de dollars. C'est beaucoup d'argent, 7 millions de dollars. Ici, on fait ce genre de film. Là-bas, pour le même prix, on peut fabriquer 3 écoles et fournir de l'eau à toute une région. Ça donne à réfléchir. On est rendu à la fin, sapristi. On boucle ça 70%. On vous laisse avec The Room. Merci Julien Bernatchez, Bruno Corbin, Israël Trudel-Denis, Evelyne Potvin-Cloutier, Linda Lemay. Taïel Israël, c'est maman. Et Étienne Forêt. Il y a David Sedd aussi qui est dans le fond. Là. Ben oui, qui est arrivé tout à coup. Salut David. Salut David. Et voilà, il y a le mot de la fin, toi. Ouais, ça va être Tommy Wiseau. Ah ben là. Hey, Johnny. Oh, hi, Danny. What's wrong with Mark? He's cranky today. Girl trouble, I guess. What's new with you? Not much. Still going to the movie tonight? Oh, sure, we are. What kind of movie are we gonna see? Well, we'll see... Danny, don't plan too much. It may not come out right. All right. Let's toss the ball around. Okay. Got to tell you about something. Shoot, Danny. It's about Lisa. Go on. She's beautiful. She looks great in a red dress. I think I'm in love with her. Go on. I know she doesn't like me because sometimes she's mean to me, but sometimes when I'm around her, I feel like I want to kiss her and tell her that I love her. I don't know. I'm just confused. Danny, don't worry about that. Lisa loves you too, as a person, as a human being, as a friend. You know, people don't have to say it. They can feel it. What do you mean? You can love someone deep inside your heart, and there is nothing wrong with it. If a lot of people love each other, the world would be a better place to live. Lisa's your future wife. Danny, don't worry about it. You are part of our family, and we love you very much, and we'll help you anytime. And Lisa loves you too. As a friend, you are sort of like her son. You mean you're not upset with me? No, because I trust you and I trust Lisa. What about Elizabeth, huh? Well, I love her. Mm-hmm. When I graduate from college, get a good job, I want to marry her and have kids with her. That's the idea. You're right. Thanks for paying my tuition. You're very welcome, Danny. And keep in mind, if you have any problems, talk to me and I will help you. Vous écoutez Choc FM, l'alternative urbaine. Neon et iFood présentent, en collaboration avec Choc FM, leur programmation pour les mois de mai et juin. Prochain spectacle à ne pas manquer, LCB Sound System et Holy Ghost live au Metropolis le 24 mai, Hudson Mohawk au Belmont le 29 mai, Claude Van Stroke au Stéréo le 4 juin, Ebony Bones au Belmont le 7 juin, Glass Candy et Mike Simonetti au Belmont le 18 juin. Plus d'informations sur iloveneon.ca et ifood.org. C'est le lundi 31 mai 2010, c'est l'épisode 105, le numéro 105 de Dans ta bulle, l'émission bande dessinée sur les ondes de Choc FM.